Notre Seigneur. Gédéon avait des défis. Gideon yari kwa la mabipimo. Comme toute personne dans la vie. Kama mtu wote ndani ya maisha. Ne considère pas tes problèmes. Usiweze kuangalia mambo yako. Comme des choses insolubles. Kama bintu bila bina tanachiku. Quand tu viens à Mulima 30, wakati unakuja kumlima 30, c'est avec tes objectifs. Ipamocha na mabifukusio yako. Relever les défis. Kunyanyua tamabipimo. Qui se présente dans ta vie. Bile binaonekana mu maisha yako. La vie est un ensemble de défis à relever. Maisha inakuwa ni wingi wa vipimo ya kuweza kunyanyua. Chaque jour il y a un défi. Na kila siku kuna kwa kipimo maflani. Chaque étape a ses défis. Kila hatua inakuwa na vipimo. Oh. Que le Seigneur puisse t'aider. Bwana Mungu apate kukusaidia. Que Dieu puisse nous aider pendant ce mlima 30. Mungu apate kutusaidia kadiri ya mlima 30. Il est fidèle. Et comme moi, quel que soit le parcours de ta vie. Ingawa menendo mashako. J'aimerais que pendant quelques instants tu élèves ta voix. Natamani kwa dakika chache unyanyue kwa sauti yako. Dis à Dieu merci Seigneur. Sema na Mungu asante Bwana. Parce qu'avec toi nous relevons les défis. Pamoja na wetu kuna inua mabipimo. C'est pas la Bible dit qu'avec l'Éternel nous ferons des exploits. Ni alisema pamoja na Bwana tafanya maishara. Élève ta voix, commence à bénir le Seigneur. Nyanyua sauti yako anze kubariki Bwana. Mulima ne va pas se terminer. Mulima istamalizika. Non, ma vie doit changer. Maisha yangu itabadilika. Il y a un témoignage que j'attends dans ma vie. Kuko ushude kuna nichunga maisha. Il y a des défis à relever dans ma vie. Kuna mabipimo kumaliza maisha. Il y a des objectifs que je vais atteindre avec le Seigneur. Kuna matua litafika pamoja na Bwana. Il nous conduit les rochers que nous ne pouvons pas atteindre nous-mêmes. Alléluia. Mais il nous conduit lui-même. Alléluia. Oh, je bénis ton nom, Seigneur. Nabariki jina la ta présence, Seigneur. Nabariki uwepo wako. Je bénis ton nom, Seigneur. Nabariki jina la kwa nafasi yako. Merveilleux. Uko mwema. Tu es merveilleux. Où comme moi, tu es merveilleux. Où comme moi, tu es une source intarissable. Qu'on habite la supermouche. Tu es une source intarissable. Où quand j'aime ma supermouche. Tu es une source intarissable. Où quand j'aime ma supercauca. Lisez bien quand on t'attend. Tu es une source intarissable. On a quoi j'aime ma supercauca. Tu es une source intarissable. On a quoi j'aime ma supercauca. Oh, que ton nom soit béni. Jina la kolibarikiwe. Que ton nom soit élevé. Jina la kolinanyuliwe. Dans ma vie. Dans l'église. Dans la kanisa. Dans ce pays. Dans la mouchi. Dans cette vie délicatie. Dans la jumolkas. Nous relèverons les défis avec toi. Tout à nyanyo ma bipimo pamoja nawe. Nous atteindrons des objectifs avec toi, Seigneur. Tout à fika ma bipimo pamoja nawe. Je bénis ton nom. Nabariki jina lako. La course n'est pas au vaillant, Seigneur. Kimilio haina kuwa shuda pana. Oh, la victoire n'est pas au vaillant. Lakini ushindi haina kuwa shuda pana. C'est toi qui donnes la victoire. Ni wewe kunaleta ushindi. C'est toi qui donnes la victoire, Seigneur. Ni wewe kunaleta ushindi. Je te bénis ce soir. Chokomana nakubariki jioni. Je bénis ton nom ce soir. Nabariki jina lako. La victoire nous attend. Ushindi kuna tungoje. La victoire nous attend. Ushindi na tungoje. Nous allons relever les défis. Kwa sababu tutanyanyua mabipimo. Si Gideon a relevé les défis. Gideon alinyanyua bipimo. Nous aussi, Seigneur. Sisi pia Bwana. Nous relèverons les défis. Tutanyanyua bipimo. Oh, reçois l'honneur. Reçois la puissance, Seigneur. Pokea uwezo Bwana. Oh bien, élève ta voix. Upendo nyanyua sauti yako. Élève ta voix, commence à bénir le Seigneur. Nyanyua sauti yako, commence à kubariki Bwana. Alléluia. Alléluia. Oh merci. Oh santé. Oh merci, Seigneur. Bon samonte malenga. Ezana na mona yo, ematina moli mona yo. Merci pour ta présence ce soir. Baba Santa, nous exposons nos cœurs pour t'écouter. Nous ramenons toute pensée captive à l'obéissance de Jésus. Nous proclamons le nom de Jésus. C'est la seule autorité. Jésus de tout nom. Il est renommé au ciel. Chini ya udongo ata chini ya udongo tena merci jehovah asante jehovah merci pour le don de jésus asante kwa zawadi ya yesu cette parole qui donne la vie inene kuna leta uzima cette parole qui transforme de vie inene kuna geuza maisha qui nous garantit du présent et de l'avenir inatuletea ukingo wa leo hata na uchi cette parole qui est tout pour nous neno inakuwa yote kwetu non seulement dans ce siècle présent apana tu mwa itu nakuwa tukishi leo même dans le siècle à venir hata mwile tutaishi kesho nous bénissons ton nom Seigneur tunabariki jina lako Bwana nous élevons le nom de Jésus tunanyanyua jina la Yesu à toi l'honneur kwa kuheshima la puissance uwezo la gloire na utukufu au nom de Jésus mu jina la Yesu est-ce qu'on peut acclamer eti tunaweza kushangilia Que Dieu vous bénisse. Que le Seigneur vous bénisse. Aujourd'hui c'est le cinquième jour. Fortifions-nous. La marche est encore longue. Mais déjà Dieu nous bénit abondamment. Déjà nous voyons la main de Dieu dans nos vies. Et prenez toujours le temps d'avoir des moments de prière personnelle. Le matin, le soir. À subuhi kama jioni. À midi si vous avez le temps. Hata mjua wakati kama mko na wakati. Et donnez-nous donnons-nous des objectifs. Mujikabulio hata mabifukuzio. Dans la vie, les objectifs doivent être clairs. Mon maisha bifukuzio binapasha kuwa wazi. Chez nous, on dit même les objectifs doivent être quantifiables. Binapasha kuwa hata bia. On doit savoir compter les objectifs. Tunapasha kujua kuhesabia matimbili yote. Quantifiable. Bia kuhesabia. C'est très important. Binakuwa bia muhimu. Comme ça, quand ça arrive, tu sais. Wakati inafika unajua. Les objectifs que tu t'es donné. Nous voulons encore écouter le Seigneur nous parler ce soir. À travers son serviteur. Quand le pasteur Trésor s'approche, on peut l'acclamer, l'accueillir correctement. On peut se tenir debout et accueillir l'homme de Dieu. On peut s'asseoir et accueillir Gloire à Dieu. Est-ce qu'on peut rester debout? Nous allons prier. Il est question de Jésus. Il est toujours important de pouvoir l'honorer. Tu sais restaurer un cœur qui te cherche, celui qui te cherche, car tu en es capable. Ce soir, tu sais restaurer. Celui qui te cherche, celui qui te cherche, car tu en es capable. Tu sais restaurer comment? Tu sais restaurer. Tu vas le faire ce soir. Celui qui te cherche. Alléluia. Celui qui te cherche. Tu en es capable. Tu en es. Tu en es capable. Toi le Dieu tout suffisant, toi le Dieu tout capable, tu sais restaurer, tu sais guérir, tu sais élever, tu sais promouvoir, tu sais délivrer, tu sais acheter. C'est pourquoi nous t'acclamons, c'est pourquoi nous te célébrons, c'est pourquoi nous poussons des cris de joie pour la gloire de celui qui sait restaurer. Que ton nom soit béni. Alléluia. Au nom de Jésus. Père, bénis ta parole ce soir. Nous sommes convaincus que tu vas nous faire du bien comme tu ne cesses de le faire. Amen. Que l'honneur, la gloire te revienne. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Que Dieu soit béni. Est-ce qu'on peut encore acclamer on le Seigneur? Est-ce qu'on peut mieux acclamer le Seigneur? Où sont des cris de joie? Est-ce qu'on peut pousser des cris de joie? Croyez-moi, pendant que vous acclamez, vous ne le faites pas pour un homme, vous ne le faites pas pour nous, pasteurs, vous êtes en train de rendre un culte pour notre Dieu. Pendant que tu acclames, une guérison peut être accordée. Pendant que tu pousses des cris de joie, le ciel peut libérer une visitation. Est-ce que quelqu'un comprend ces choses? Nous sommes dans un culte pour la gloire de Dieu. Qui te soit fait selon que tu acclames. Qui te soit fait selon que tu célèbres. Non, attendez. Vous savez, lorsqu'on est dans la présence de Dieu, vous devez savoir que je vais le dire un peu comme nous, le Congolais, on aime le dire. Quelquefois, il faut provoquer Dieu. Hein? La femme à la perte de sang a provoqué Jésus. Vous savez, nous sommes en train de parler de va avec la force que tu as. Jésus aussi partait avec la force qu'il avait. Mais seulement la force qu'il avait, c'était pour une autre femme. La fille de Jaïrus. Mais une femme a provoqué. Elle s'est frayée un chemin. Elle a touché Jésus. Et qu'est-ce que Jésus dit? Une force m'a quitté. Lorsqu'on est dans la présence de Dieu et qu'on est sensible aux choses de l'esprit, on peut recevoir. Alors pendant que tu acclames, qu'une force quitte le ciel pour venir dans ta vie. J'étais en train de dire, pendant que tu acclames le Seigneur, qu'une force quitte le ciel pour venir dans ta vie. Sois béni au nom de Jésus. Merci. Ah, santé. Nous allons rapidement continuer notre matière. Je cesserai de dire merci à Papa Désiré ainsi qu'à maman. Si tu as choqué avec ma santé, quoi, Baba, pour moi, dire à maman. Je apprécie les parents que le Seigneur a fait. Ils sont merveilleux, n'est-ce pas? Oui, ma cabisa. Et nous sommes très bénis de les avoir. J'aimerais aussi dire merci à la technique. Aujourd'hui, le son est très bon. C'est bon, il faut apprécier. Que Dieu vous bénisse. Bwana awabariki. Je sens que je fais moins d'efforts et puis je m'entends très bien. Gardez ça jusqu'à dimanche. Qu'aucun insecte ne vienne vous piquer. Pardon. Si vous êtes marié, je vais prier que votre femme vous prépare un bon boukari ce soir pour que vous ne soyez pas fâchés. Ah oui, parce que si le technicien n'est pas bien à la maison, il va nous donner un mauvais son. Amen. Vous voyez que même les mariages nous suivent dans les cultes. Alors, hier, nous nous sommes arrêtés en parlant justement de cette phrase, va avec cette force que tu as. Mais nous avons transposé cette phrase dans le contexte du croyant. Parce que l'erreur sera grande. L'erreur sera grande. Si on s'est limité à Gédéon. Gédéon est un panneau publicitaire pour nous amener à Christ. Comment je le sais? La Bible dit ces choses leur sont arrivées pour nous servir d'exemple. Tout ce qui est écrit dans l'Ancien Testament, les histoires, les événements, tout ça a pour but de nous instruire dans la foi. C'est ainsi que l'histoire de Moïse, l'histoire de Gédéon doivent nous servir à nous dans le contexte du chrétien. Donc Dieu dit à Gédéon ici, va avec cette force que tu as. Si pour Gédéon, cette force était physique, cette force était la capacité à battre Madian. Pour nous, ça devient quelque chose de beaucoup plus spirituel. Parce qu'en face de nous, il n'y a pas Madian. En face de nous, il y a le monde spirituel. Ce qui était Madian, Amalek, et le fils de l'Orient au temps de Gédéon, le combat de Gédéon en notre temps est devenu une affaire spirituelle. Paul dit, nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre quoi? Les dominations, les principautés, les esprits méchants dans les lieux célestes. Ça veut dire que ce qui est force physique pour Gédéon est pour nous une force d'une toute autre nature. C'est une force spirituelle. Parce que nous n'allons pas gagner nos batailles avec des biceps, avec des coups. Quand on y va avec cette force que tu as, on n'est pas en train de dire qu'après ce culte, tu rentres à la maison, tu commences à menacer les gens. Tu commences à leur dire, moi je suis comme Gédéon, j'ai une force. Celui qui me cherche, il va me trouver, je vais les tabasser. Ce n'est pas ça. Tu risques d'être tabassé. Nous sommes dans un niveau beaucoup plus élevé. Nous sommes sur le plan spirituel. Et hier, j'ai terminé en nous disant que le croyant, contrairement à Gédéon, le croyant possède trois types de forces. J'ai juste introduit, je vais continuer. Notez ces trois types de forces et puis je vais développer. La première force du croyant, force avec laquelle il doit défier le monde des ténèbres, force avec laquelle il doit gagner les batailles visibles et invisibles, la force qui accompagne le croyant dans la mission, la force qui accompagne le croyant dans le quotidien de sa vie, je l'ai appelé la force de la position en Christ. Ça, c'est la première force. Ce n'est pas d'abord ce que tu fais. C'est là où Dieu t'a placé. Ce n'est pas d'abord ce que tu as. C'est ce que tu es devenu en Christ. Ce qui signifie que la position en Christ te donne la force sur toute chose. Donnez-moi un bon amen. Vous voyez, nous sommes dans ce très beau bâtiment. Ce bâtiment nous garde. Lorsqu'il pleut, nous pouvons peut-être sentir la pluie, mais nous n'allons pas nous mouiller. S'il y a une attaque, pour que les gens qui sont à l'extérieur nous atteignent, il faut qu'ils forcent les portes. Notre première force, c'est le fait que vous et moi, nous sommes dans ce bâtiment qui nous abrite. La vie chrétienne, c'est comme ça. Tous ceux qui ne sont pas en Christ sont dehors, exposés au danger, exposés au diable. Mais ceux qui sont en Christ, ils sont protégés. Parce que Christ est le rocher, Christ est l'abri sûr, Christ est un refuge sûr. Peu importe ceux qui veulent vous atteindre, la porte ne s'ouvrira pas. Tout comme là de Noé a protégé Noé du déluge, Christ est une arche qui vous protégera de toute forme de déluge dans votre vie. Je prophétise sur quelqu'un, tant que tu demeureras en Christ, tu gagneras des batailles. Ta plus grande force, c'est en Christ. Le puritain Goodwin a écrit, il n'y a que deux hommes devant Dieu. Adam et Jésus-Christ. Et à la ceinture de ces deux hommes sont accrochés tous les autres. Vous êtes soit en Adam, soit en Christ. En Adam, vous êtes exposé. En Adam, vous êtes sous la malédiction. Mais en Christ, il n'y a plus de condamnation. En Christ, la loi de l'esprit de vie agit en vous. Gloire à Dieu. Amen. Vous voyez, lorsque vous êtes dans un avion, il y a un principe qu'on appelle la solidarité. Ce n'est pas vous qui conduisez, c'est le pilote. Mais vous êtes à bord de l'avion. L'erreur du pilote vous atteint. Tout comme les exploits du pilote vous atteint. Quand le pilote fait bien, vous êtes sauvé. S'il ne fait pas bien, vous êtes en danger. C'est pourquoi quand on annonce la zone de turbulence, tout le monde prie pour que Dieu nous vienne en aide, pour que le pilote puisse bien faire atterrir l'avion. C'est comme ça avec Dieu. Christ est notre pilote. Nous nous sommes assis derrière. Ses exploits nous atteignent. Et la bonne nouvelle, c'est que notre pilote ne fera jamais d'erreur. Et l'avion dans lequel nous sommes engagés ne connaîtra pas de crash. Parce que celui qui est devant nous, c'est le bon berger. Il connaît la voie, il est lui-même la voie. Gloire à Dieu. Amen. Que Dieu soit béni. Amen. Notez ces deux vérités par rapport à notre position en Christ. Et c'est par là que je vais commencer le message de ce soir. Ces deux vérités sont très importantes. Par rapport à notre position en Christ, la première chose que j'aimerais que nous puissions saisir, je le tire dans Colossiens chapitre 2, verset 7. J'aimerais qu'on puisse nous donner ça, qu'on lise ensemble pour que vous voyez ce que je veux dire. Colossiens chapitre 2, verset 7. Colossiens 2, 5. La Bible dit. Étant enraciné et fondé en lui. Et affermi par la foi. D'après les instructions qui vous ont été données. Et abonder en action de grâce. J'aime ça. Avant de vous dire la première chose, vous devez savoir que le terrain sur lequel une chose s'enracine détermine sa solidité. Une chose n'est pas stable d'abord en elle-même. Une chose est stable à cause du terrain. L'endurance de la chose dépend de la stabilité du terrain. C'est pourquoi les diamants, dans Proverbe 30, la Bible dit que les diamants sont un peuple sans force. Bien. Parce qu'on parle beaucoup de la force de Gédéon, on va avec cette structure. Mais nous découvrons ici les damans. Selon Proverbe 30, les damans sont un peuple sans force. Les damans ne peuvent pas résister aux prédateurs. Les damans sont des animaux sans défense. Ils sont à la merci des prédateurs. Un daman qui se retrouve seul dans la nature ne peut pas se défendre. Parce que les damans sont un peuple sans force. Mais c'est quoi sa force? Attention frère. Dans la vie, même si vous n'êtes pas fort, composez avec quelqu'un qui est fort. Même si vous n'êtes pas fort, cherchez un terrain dans lequel vous pouvez vous abriter. Les damans savent qu'ils ne sont pas forts. Et c'est quoi l'intelligence que Dieu leur a donnée? Ils s'accrochent au rocher. Attention que quand les prédateurs viennent pour les avoir, ils rentrent dans le rocher et les prédateurs ne peuvent pas détruire le rocher. Autrement dit, la force du daman n'est pas en lui. La force du daman est dans le terrain, dans le rocher dans lequel il s'abrite. Nous également, devant le monde des ténèbres, nous sommes vulnérables. Mais nous avons composé avec Christ. Christ est devenu notre rocher. Christ est devenu notre terrain. À telle enseigne qu'en Christ, nous sommes enracinés en lui. Nous sommes fondés en lui. Aucun système de ténèbres ne peut nous détruire. Voici la première vérité. Notre position en Christ n'est pas une promesse, mais un fait divin. Je voudrais que vous puissiez bien comprendre ça. Notre position en Christ n'est pas une promesse. C'est un fait divin. Fait, ça s'écrit F-A-I-T. F-A-I-T. Fait divin. Alors suivez-moi parce que je vais vous dire c'est quoi un fait divin. Dans la parole de Dieu, nous faisons la différence entre une promesse et un fait. Vous êtes avec moi ce soir? Amen. Donnez-moi un bon amen. Un amen en bonne santé. Votre amen est malade. Amen. Donnez-moi un amen plein de vitamines. Donnez-moi un amen de l'icassie. Oh, l'icassie, l'icassie. Amen à l'icassie. Oh, kintu yangu vukabisa. Donnez-moi un amen de l'icassie. Prouvez-moi que je suis dans le Haut-Katanga. Quand même. Est-ce que je peux avoir un amen d'un champion? Est-ce qu'il y a un Gédéon ici qui croit que même en disant amen, quelque chose se passe dans sa vie? Gloire à Dieu. Amen. Voilà. Maintenant, commençons. Une promesse divine est une parole que Dieu donne pour l'avenir. Une promesse n'est pas pour le passé, non. Je ne peux pas vous promettre que je vous bénirai en 2010. Parce que c'est déjà passé. Lorsque je vous fais une promesse, vous devez vous attendre à ce que je fasse quelque chose, mais dans le futur. Jusque là, ça va? Amen. Papa Eric, si je te promets 10 000 $, si je te promets 10 000 $, c'est pas maintenant. Tu t'attends à ce que peut-être dans un jour, peut-être dans 10 jours, peut-être dans un mois, que je puisse accomplir la parole que j'ai donnée. Vous voyez? La promesse, c'est une parole pour le futur. Mais la différence, c'est quoi entre la promesse de Dieu et la promesse des hommes? La promesse des hommes, c'est simplement une parole. Mais la promesse de Dieu, c'est une parole certaine. Voilà. Vous commencez à comprendre. Joseph dit à ses frères, je vais mourir. Mais dans les jours qui arrivent, Dieu vous visitera certainement. Et quand il vous visitera, prenez mes os. La différence c'est quoi? Une parole peut ou ne pas s'accomplir. Mais une parole certaine signifie qu'il pleuve, qu'il neige, que les hommes se lèvent, que le système change. Ce que Dieu a dit, il finira par l'accomplir. La parole de Dieu n'est pas soumise aux caprices des hommes. Même si les hommes se lèvent, la parole finira par s'accomplir. Parce que ce que Dieu dit, c'est une certitude. Je vais maintenant aller plus loin. Lorsqu'une femme est enceinte, nous savons que l'enfant qui sortira peut être un garçon ou une fille. C'est 50%. On ne sait pas déterminer le sexe de l'enfant d'avance. Il faut attendre dans les 3 ou 4 mois pour connaître si ça sera un garçon ou une fille. Mais vous voyez le fait que l'enfant qui naîtra sera soit un garçon ou une fille, on appelle ça une probabilité. Ce n'est pas une certitude. Parce que vous pouvez préparer la layette pour un garçon, mais elle sort fille. Mais ce qui est certain, c'est quoi? Une femme qui est enceinte, même si là, on ne sait pas quel sexe aura l'enfant, on sait que 9 mois après, cette femme n'accouchera pas un animal ni un morceau de bois, mais ça sera un être humain. Donc, l'espèce humaine qui sortira de la maman est une certitude. Mais le sexe de l'enfant est une probabilité. Certitude signifie ekoratete. Certitude signifie ce qui est dit dès le départ. Peu importe les manœuvres qui peuvent surgir, il en sera à la fin comme Dieu l'avait dit dès le départ. Ça, c'est la promesse. Maintenant, pasteur, par rapport à la promesse, parce qu'il s'agit des choses qui vont arriver, dans la suite, on nous demande d'avoir l'esprit de l'espérance. D'espérer ce que Dieu a dit va accomplir. Maintenant, l'effet divin, parce que notre position en Christ, comme je vous ai dit, n'est pas une promesse. Nous n'espérons pas être en Christ. Nous sommes en Christ. C'est pourquoi Paul emploie, il dit, étant enraciné. Il ne dit pas lorsque vous serez enraciné, mais non. Étant enraciné. Quand le diable vient vous attaquer, il vous trouve déjà étant enraciné. Quand le problème surgisse dans votre vie, ça vous trouve déjà étant enraciné. Étant enraciné signifie qu'au moment où l'ennemi vient, c'est déjà un fait pour Dieu. Vous êtes déjà en Christ. Un fait divin, c'est quoi? C'est une œuvre déjà accomplie dans le passé. Un fait, ce n'est pas une parole. Un fait, ce n'est pas une promesse. Un fait, c'est une œuvre déjà accomplie par Dieu dans le passé. Est-ce que jusque-là, ça va? Qu'est-ce qui s'est passé dans notre pays le 30 juin 1960? Le 30 juin 1960, Le 30 juin 1960, qu'est-ce qui s'est passé dans notre pays? Indépendance du Congo. Mon frère, même si ce jour-là vous êtes fâché, même si ce jour-là vous n'êtes pas de bonne humeur, votre humeur, qu'elle soit bonne ou mauvaise, ne changera pas le fait que le 30 juin 1960, nous avons déjà eu l'indépendance. C'est-à-dire qu'un fait reste un fait, même si vous, vous êtes de mauvaise humeur. Parce que le fait, c'est quelque chose qui s'est déjà produit. Ça ne va plus se reproduire. Au moment où je vous parle, Jésus est mort. Il a été enseveli. Il est ressuscité. Il est assis à la droite du Père. Ça, ce n'est pas une promesse. C'est déjà une œuvre accomplie. On n'attend pas que Jésus meure. On attend qu'il revienne nous enlever. Mais pour ce qui est de la mort et des acquis de la croix, c'est un fait. Pasteur, il y a des gens qui prient pour que Dieu fasse ce qu'il a déjà fait. Jésus ne mourra plus. C'est fini. N'attendez pas ça. Ce qui était une promesse dans l'Ancien Testament, Esaïe voit le jour du Seigneur. Il voit l'homme de douleur habitué à la souffrance. Il voit la croix. Pour Esaïe, la croix était une promesse. Mais pour nous, la croix est un fait. Esaïe regarde la croix comme ça. Nous, nous regardons la croix comme ça. Pour nous, c'est passé. Au moment où je vous parle, n'attendez pas. Vivez les acquis de la croix de Jésus. Même le Saint-Esprit, ce n'est plus une promesse pour nous. Jésus a dit aux disciples, ne vous éloignez pas de Jérusalem, attendez la promesse que le Père a faite. C'était quoi la promesse? Le Saint-Esprit. Maintenant que le Saint-Esprit est venu, l'Église est formée. Nous, on n'attend plus que le Saint-Esprit descende. Ce qui était une promesse est devenu une œuvre accomplie. En face d'un fait, on n'attend pas. On la vit. Le fait nécessite un esprit de foi pour le vivre. La promesse nécessite l'attente. Mais le fait nécessite la foi. Amen. Frère, je n'espère pas être un homme. Je suis un homme. Il y a des choses qui appartiennent à l'homme que j'ai parce que je le suis. Je n'espère pas ça. De même, nous sommes déjà héritiers en Christ. Nous n'espérons pas devenir héritiers. Nous le sommes déjà. Paul dit, étant enraciné en Christ. C'est-à-dire que notre position en Christ, c'est pas quelque chose qu'on espère qui puisse arriver. C'est déjà arrivé. Nous sommes déjà en Christ. Nous n'espérons pas ça. Alors arrêtez d'attendre des choses que Dieu vous a déjà données. Deux. Notre position en Christ nous fait toujours triompher. Notre position en Christ nous fait toujours triompher. 2 Corinthiens 2, verset 14. Paul dit, grâce soit rendue à Dieu. Grâce soit rendue à Dieu. Écoutez bien la phrase qui suit. Qui nous fait toujours. Tout le monde peut regarder là. Est-ce qu'on peut le lire ensemble? 1, 2, 3, come on. Grâce soit rendue à Dieu qui nous fait toujours triompher en Christ. Qui nous fait. Il nous fait triompher en qui? C'est-à-dire que si victoire il y a, si triomphe il y a, c'est dans notre position en Christ. Mais écoutez l'adverbe. Il dit qui nous fait triompher combien de fois? 9 fois sur 10? 50 fois? Toujours. 6 fois sur 10. Or, Japon, psaume dit, les malheurs atteint souvent le Christ. Mais l'Éternel l'en délivre souvent. Les malheurs atteint souvent le juste et l'Éternel l'en délivre 9 fois sur 10. 80%. Toujours. Les malheurs viennent souvent. Mais Dieu délivre toujours. Mon frère, entre souvent et toujours. Qu'est-ce qui est plus important? Toujours. Ça veut dire chaque souvent du diable trouvera toujours un toujours de Dieu. Quand le diable viendra vous attaquer souvent, rappelez au diable il y a une permanence de la délivrance. La maladie viendra souvent, mais la guérison est là toujours. Les combats viendront souvent, mais la victoire est là toujours. Je suis venu vous dire, la victoire chez les chrétiens, ce n'est pas une affaire de saison. C'est une affaire de tous les jours. Je ne crois pas qu'il y a une saison de victoire. C'est faux. Arrêtez de dire saison de victoire. Pour les chrétiens, il n'y a pas de saison de victoire. Pour les chrétiens, il n'y a qu'une vie de victoire. Saison signifie ça peut finir. Parce que la saison de pluie peut être remplacée par la saison sèche. Mais la saison de victoire chez les chrétiens est irremplaçable. C'est pourquoi Paul dit il nous fait toujours triompher. Voici la bonne nouvelle. Vous triompherez lundi. Vous triompherez mardi. Vous triompherez mercredi. Vous triompherez jeudi. Vous triompherez en 2025. Avant même que 2026 devienne, voici ce que je déclare. 2026, tu seras pour cette église une année de victoire, une année de triomphe. 2027, tu seras une année de triomphe. Le triomphe n'est pas une question de saison. C'est une question de tous les jours. Que dit la Bible? Ceux qui se confient à l'Éternel, ils sont comme un arbre planté près d'un courant d'eau. Vous produirez toujours. C'est une question de permanence. Vous savez, Le triomphe chez un chrétien, ce n'est pas un ordre saisonnier, c'est un ordre permanent. Un ordre permanent, c'est-à-dire à tout moment de votre vie, vous êtes victorieux. Est-ce que je bénis quelqu'un ce soir? Vous vous réveillerez dans la victoire. Vous saluerez les gens de la victoire. Vous vous coucherez dans la victoire. Même lorsque vous serez dans la vallée de l'ombre de la mort, l'ennemi tente de vous faire croire que c'est terminé pour vous. Même là, dans la vallée de l'ombre de la mort, rappelez-vous que vous n'êtes pas seul. Il est avec vous. J'aime le psaume 23. L'Éternel est mon berger. Ça, c'est le postulat de base. Ne commencez pas le psaume 23 par la victoire. Commencez le psaume 23 par la relation. L'Éternel est mon berger. Ça définit tout. Regardez comment les environnements ont changé. Premier environnement, il me fait reposer où? Dans des verres. Pâturage. Les verts pâturages, c'est un environnement où tout est bon. Parce que vert signifie repos. On mange bien. On n'a pas de problème au travail. Tout le monde te comprend. Ça, c'est le vert pâturage. Mais à côté des vert pâturage, il dit, il me conduit près des eaux. Des eaux agitées ou des eaux paisibles? Des eaux paisibles. Parce qu'il y a aussi des eaux agitées. Les eaux paisibles, c'est l'image d'un travail paisible. C'est l'image d'un contrat paisible. Oh, comme je le prophétise sur quelqu'un. Dieu va te donner un contrat paisible. C'est-à-dire, ça ne sera pas un genre de contrat qui va s'arrêter après 9 mois, qui va s'arrêter après une année. Ça sera un contrat paisible. Oh, Dieu va te donner une santé paisible. Dieu va te donner des enfants paisibles. Dieu va te donner un ministère paisible. Mais après, le vert pâturage, après les eaux paisibles, il y a les sentiers de la justice. J'annonce à quelqu'un, l'Éternel, le juste juge, lui-même te conduira dans ses sentiers. Même si l'injustice des hommes s'élève, la justice de Dieu s'élèvera. Laissez-moi parler comme Chassel Bemba. La justice de Dieu, il y en a. La justice de Dieu, il y en a dans votre vie. Il y en a dans votre santé. Même si on vous a pris une maison, la justice de Dieu, il y en a. Hey! Papa Norbert, maintenant ça commence à devenir dangereux. On quitte les verts pâturages. On quitte les eaux paisibles. On quitte les sentiers de la justice. Et puis l'environnement change. Ça commence à devenir compliqué. Quand je marche dans la vallée, j'étais dans les verts pâturages, j'étais dans les eaux paisibles. Mais comment tout devient vallée de l'ombre de la mort? Même là, dans la vallée de l'ombre de la mort, il ne me laisse pas. Ton mari peut te laisser, ta femme aussi peut te laisser, tes enfants peuvent te laisser. Posez la question. Le fils prodigue a laissé ton père, le chef de l'entreprise peut te laisser, mais là, dans la vallée de la mort, il y en a un qui ne te laissera pas. Il s'appelle Jéhovah Jireh. Il s'appelle Elohim. Il s'appelle l'Éternel des armées. Il s'appelle le Narcisse des Sarons. Il s'appelle le Tout-Puissant, le principe de la création. Celui qui dit un mot et la chose arrive. Même dans la vallée, il est avec moi. Mais ça ne s'arrête pas là. Il dit, tu ouais, tu ma tête. Poussez en face de mes adversaires. Comment Dieu peut être tellement... J'aime Dieu. Il dit, tu dresses une table devant moi en face de mes adversaires. Oh, Papa Eric, viens avec la table devant moi. Moi, je suis la brebis. La table est devant moi. C'est ce que le psaume dit. Tu dresses une table devant moi. Mais en face de mes adversaires. Donc, la table qui est devant moi, c'est aussi la même table qui est en face de mes adversaires. Maintenant, La table est dressée pour que je mange. Pas pour que eux mangent avec moi. Moi je mangerai. Dieu fait exprès. Pendant que je serai en train de manger, qu'il soit en face pour voir sans toucher. J'annonce à quelqu'un, tes ennemis te feront manger et ils ne toucheront pas. Arrêtez de croire que toute votre vie c'est combat. Il y a un temps pour combattre, il y a un temps pour manger. Je suis venu dire à quelqu'un, mange, mange, mange, mange. Oh ma santé, oh mes enfants, mange. La table est dressée. Il n'y a pas que la vallée de l'ombre de la mort. Il y a aussi un environnement où Dieu dresse une table. Ça veut dire, dans le même psaume 23, on a la vallée de la mort, mais on a aussi la fête. J'annonce le temps de la fête dans la vie de quelqu'un. Mais ça ne s'arrête pas là. Il dit, oui, Dio, le bonheur, Heri, et la grâce, la Nema, m'accompagneront tous les jours de ma vie. Frère, ce n'est pas moi qui accompagne la grâce. Ce n'est pas moi qui accompagne le bonheur. Il y a des choses qu'on ne cherche pas. On cherche Dieu et Dieu dira ces choses et nous chercher. Papa Eric, psaume dit, ceux qui se confient en l'Éternel trouvent dans leur cœur des chemins tout. Qui a tracé ça? Dieu lui-même a tracé ça. Est-ce qu'on a dit que ceux qui se confient en l'Éternel cherchent des chemins? Ils trouvent des chemins tout tracés. Voici la vérité. Ceux qui cherchent Dieu, ils trouvent en Dieu des chemins tout tracés pour leur vie. Donc tout ce qu'on vous demande, c'est de chercher Dieu. Et il dit, j'habiterai dans la maison de l'Éternel. Maintenant, regardez ce que je voulais vous dire pour vous montrer comment est-ce que la victoire, le triomphe chez les chrétiens est un ordre permanent. On commence par le vert pâturage. On passe par les eaux paisibles. Il y a le sentier de la justice. Et puis ça se transforme en vallée de l'ombre de la mort. On se retrouve devant une table. Vous voyez que l'environnement a changé. Frère, dans votre vie, les environnements peuvent changer. Vous pouvez vous retrouver chef le matin et le soir, vous perdez tout. Ça, c'est pas grave. Vous pouvez vous retrouver comptable en 2020. Et puis 5 ans après, valet de l'ombre de la mort. Les choses peuvent changer. L'environnement peut changer. Mais remarquez, il y a quelque chose qui n'a jamais changé. Dans ce psaume 23, du premier verset jusqu'au deuxième verset, il y a quelque chose qui est toujours permanent. L'environnement a changé. Les sentiers ont changé. Mais l'Éternel n'a pas changé. Depuis le début, on dit l'Éternel est mon berger. Dans le vert pâturage, celui qui me conduit. Près des eaux paisibles, celui qui m'amène. Dans la vallée de l'ombre de la mort, il est avec moi. La table est dressée par l'Éternel. Quand j'arrive dans la maison, ce n'est pas ma maison, c'est la maison de l'Éternel. L'Éternel est plus présent que toute autre chose. Dans votre vie, rien ne sera permanent comme l'Éternel des armées. Les choses peuvent changer, mais Dieu ne changera pas. Les postes peuvent changer, mais Dieu ne changera pas. Les contrats peuvent changer, mais Dieu ne changera pas. Et ce Dieu-là a promis de nous faire toujours triompher en Jésus-Christ. Est-ce que je peux aller plus loin? Je vais vous donner un exemple. Pasteur, mon fils est né quand il était quand il a commencé l'école primaire. Un jour, il rentre à la maison. Pendant les vacances, il dormait tard pendant les vacances, des fois 22h, 23h. Mais quand ils ont repris l'école, 20h, le petit était déjà au lit. Un jour, il rentre de l'école. Il me dit, papa, j'ai la tête chargée. C'est baba, mais il y a un peu de temps. Toi, Pourquoi tu as une école primaire? Tu as la tête chargée. Ah, qui tu as la ni nini? Maintenant, le matin avant d'aller à l'école, j'ai pris son journal de classe. Parce que vérification oblige. Je dois vérifier pourquoi il a la tête chargée après l'école. Et j'ai compris. Quand j'ouvre le journal de classe, première heure, ça y a kwanza. Yoka kombo akour. Shiki akour jina yake ni nini? Problème. Mambo. J'ai dit ah. J'ai dit J'ai la paix, j'ai dit petit. Mais comment ça Omoni ba problème moye ba école primaire. Non, na mambo ya école primaire. La vie c'est ça. Maisha ndio vile. Quand tu seras en secondaire. Quand tu seras en secondaire. Ça va juste changer de forme. Itabadilika tu kidoko. À l'école primaire c'était un camion de 5 tonnes venait. École primaire quoi ni mambo un camion 5 tonnes venait. Maintenant l'école primaire ça sera équation second degré. Secondaire quoi équation des inconnus. Après comme une fonction exponentielle. Yo, yo te bilé. Limite ou encore manganimétrie. Ne vous en faites pas, tout ce que je sais de ce cours, c'est ce que je vous dis. À l'intérieur, il n'y a plus rien. Et puis, je dis, si tu viens dans le ministère comme ton père, il y a les démons, il y a les sorciers. Mais ce que j'aime avec les cours qu'on appelle problème, c'est quoi? Aucun enfant papa ne rentre à la maison avec les problèmes. On n'enseigne pas les problèmes. On lui donne la formule. On lui enseigne comment résoudre les problèmes. On lui enseigne que le jour de l'examen, peu importe la forme du problème, lui, il a déjà la matière, c'est-à-dire la formule. Il sait comment résoudre le problème. Frère, l'évangile n'est pas un problème. L'évangile est une formule. Vous venez ici pour avoir la formule. Et la formule, c'est Jésus de Nazareth. Vous triompherez toujours. Je ne sais pas qui se parle. Je ne connais pas tes défis. Ne me les dis même pas. Je connais seulement que dans ces défis, tu seras plus que vainqueur par celui qui nous a aimés. Remarquez que Paul dit, Dieu nous fait toujours triompher en Christ. Attention. Paul ne dit pas Dieu nous fait vaincre. Il y a une différence entre triomphe et victoire. La victoire, c'est le résultat d'un combat. Mais le triomphe, c'est le résultat d'une victoire. Alléluia. Regardez, lorsque vous êtes dans un match, là, je vois joueur en abysse. Ouah, Chakibi, chancel Mbemba. Chancel Mbemba, joueur. Il marque comme le contre le Cameroun. Anengi sambele le Cameroun. Ça, on appelle ça but de la victoire. Bara sema inyo golo ya ushindi. On a gagné. Tunapata ushindi. Le match. Tunaweza match. Mais maintenant, ça. Quand ils ont été qualifiés pour la phase finale des barrages, n'est-ce pas que on les avait invités à Kinshasa? Wakati ya mati ya baraza bali baita ku Kinshasa. Est-ce qu'on est venu les accueillir à l'aéroport? N'est-ce pas qu'ils étaient honorés? Bali heshimiwa kabisa. Ils étaient sur le podium. Bali kwa juu ya podium. Mais c'est pas la victoire. Il a eu la victoire a déjà été obtenue le jour du match. Ce qui se passe quand on vient, c'est la célébration de la victoire. C'est ça qu'on appelle triomphe. Or, la Bible ne dit pas que Christ nous fait vaincre. Parce que celui qui a. Oh my God. Celui qui est monté sur la croix, c'est lui. La victoire, il nous l'a donnée à la croix. Par sa mort sur la croix, il a vaincu. Maintenant. Il a pris cette victoire. Il nous l'a donnée. Et nous, nous sommes devenus plus que vainqueurs. Ce qui veut dire notre vie, ce n'est pas seulement une vie de victoire. C'est une vie de triomphe, une vie de célébration. C'est pourquoi, frère, laissez-moi être sérieux dans cette partie du message. Pourquoi on a des chrétiens mélancoliques? Pourquoi on a des chrétiens tristes? Pourquoi on a des chrétiens qui pensent que Dieu les a oubliés? Ça, c'est quel évangile? Vous êtes victorieux. Vous êtes plus que vainqueur. Vous vivez dans la victoire. Lorsque Jésus donne la révélation de l'église, papa, la première fois que le mot église est utilisé dans la Bible, Jésus dit, les portes du séjour des morts ne prévaudront point contre mon église. L'église est née dans la victoire. L'église évolue dans la victoire. Ne pensez pas qu'un jour Satan aura l'avantage de vous. Donnez-moi bon amen, je vais avancer. Pasteur, cette histoire m'a beaucoup plu. Dans Apocalypse 12, lorsque le grand dragon combat la femme, les deux ailes de l'aigle ont été données à la femme qui s'enfuit. Maintenant la Bible dit, Satan, image de ce grand dragon, est descendu sur la terre pour faire la guerre à ceux qui gardent le commandement. Maintenant écoutez ce que la Bible dit. Réjouissez-vous cieux et vous qui habitez le ciel. Mais malheur, voilà. Non. Prenez là où on dit malheur à la terre. On va revenir sur ce verset. Réjouissez-vous cieux et vous qui habitez le ciel. Malheur à la terre. Car le diable est venu vers vous. Cherchez-moi ce verset. Réjouissez-vous cieux. C'est toujours Apocalypse 12. Et vous qui habitez le ciel. Voilà. C'est pourquoi réjouissez-vous cieux. Et vous qui habitez dans les cieux. Malheur à la terre et à la mer. Car Sababu, le diable Shetani anashuk. Zila. Le diable est descendu vers vous. Shetani anashuk mbele yenu. Après, kisha yake animé. Mwenye kushikwa. Arrêtez-vous là, frère. Si vous êtes animé d'une grande colère, kama unashikwa na hasira kabisa, vous faites quoi? Utafanya nini? Je vous donne mon exemple. Nita mfano yangu. Un jour je reviens prêcher, j'arrive à la maison, j'avais très faim. Nilipasa kuhubiri, nafika kwa nyumba ya kwanza njana kabisa. Ingia kwa nyumba. Et puis moi et les foufous, c'est une histoire d'amour. Mimi na bukari, ndio pa lofu. Et puis ce jour-là, j'arrive et puis moi j'aime le foufou quand c'est dur. Mais la pendaka bukari bwa nguvu. Je sens que le combat est engagé. Nashika sa mvita iko hako. Quand il résiste un peu, ça me donne la force de Gédéon. Et puis, quand j'arrive, je vois que mon adversaire était faible. J'ai vu comme ça. En Ingala, on dit Fufu et Tebi. Je ne sais pas comment on dit ça en Swahili. Hein? Bukari, moi. Mbwetete. Voilà. Moi, je voulais qu'il soit fort. Mais Bukari mbwetete. Mais j'étais fâché. Pasteur, j'étais animé d'une grande colère. Et j'ai commencé à crier. J'ai crié, tout le monde fouillait. Je viens de prêcher. Non, c'est pas possible. Et puis ma femme me dit, papa, tout ça. C'est seulement parce que Bukari mbwetete. Et puis non, c'est le capot à Bukari. J'essaie de vous dire que quand on est animé d'une grande colère, ce qu'on fait, il faut que ça soit terrible. Maintenant, regardez Satan. Le diable est descendu vers vous animé d'une grande colère. Sachant. Quand on est animé d'une grande colère, on ne peut pas être dans les sachants. Moi, je pensais que sa colère, il allait faire des choses. Il allait détruire. Malgré sa colère, tout ce qu'il peut faire, sachant, il ne peut pas aller au-delà. Parce qu'il n'y a que Dieu qui a le pouvoir d'agir. J'annonce à quelqu'un, c'est lui qui n'a pas pu changer le cours de sa vie, Satan, il ne changera pas ta destinée. Donne-moi la main, je vais te dire une chose. Prenons le verset 9. Parce que j'ai l'impression qu'aujourd'hui, on commence à donner beaucoup plus d'importance à Satan à l'église. Prenez le verset 9. Il fut. Hein? Qui fut précipité? Hein? Satan. Bible ngo tote yango ndengenine. Le verbe précipiter qui est utilisé ici. Le mot grec c'est balo. Je vais vous dire ce que ça signifie. Regardez bien les mouvements que je vais faire. Il fut précipité. Balo signifie. Balo manayake. Faire tomber quelque chose. Kwangusa kitu. Sans se soucier de là où ça va tomber. Satan. Shetan. A été précipité. Aliweza kutupwa. Contre sa volonté. Il voulait rester. Mais il y a eu une force supérieure à la sienne, qui l'a obligé à quitter le ciel et à venir sur la terre. La destinée de Satan, c'est de toujours tomber devant les chrétiens. Il n'est pas prévu que Satan te résiste. Il n'est pas prévu que Satan soit fort. Celui qui est tombé un jour tombera pour toujours. Et celui qui a triomphé un jour triomphera pour toujours. Celui qui est tombé une fois tombera toutes les fois. Et celui qui a vaincu une fois vaincra toutes les fois. Je proclame que cette année ne termine pas. Commence à vivre le triomphe. Si j'étais toi, j'allais célébrer. Je célèbre ta victoire. Je célèbre ta victoire. Je célèbre la croix. Je célèbre la croix. J'aime souvent le dire. Parce que je n'aime pas quand Satan commence à prendre de l'importance à l'église. C'est Jésus qui doit être important ici. C'est pourquoi papa ne comprend pas les gens. Quand on leur dit chasser les démons, c'est comme si on les a dopés. Un jour j'étais dans un rassemblement de prières. Le modérateur a dit: est-ce qu'on peut adorer Dieu? Les gens n'arrivaient pas. D'autres dormaient. Mais quand on a dit maintenant, Jésus, c'est lui qui a envoûté ta vie. Où qu'il soit, tindela et moto. C'est comme si culte est banni. Les gens. Mais ce fut de pouvoir terrible. Quelqu'un au fond. Un frère qui est à côté de moi. Il dit non, qui pétait. Je prends une mitraillette. Je charge ça. Crac-crac. Là, ça dans ma prière. Et puis, je prends les grenades. Je soulève ça. Même s'il me regarde, ce n'est pas mon problème. Si c'est lui qui bloque ma vie, je jette ça. Et puis, il crie boum. Abanzani. J'ai dit, mon frère, même si Paul a parlé des armes spirituelles, il a lu l'épée de l'esprit, il a lu le bouclier de la foi. Est-ce qu'il avait lu les grenades de l'esprit? Il a comme une mitraillette. Tout ça pourquoi? Parce qu'on donne à Satan de l'importance. Écoutez-moi, Satan restera sous vos pieds. Vous marcherez. Hein? Vous marcherez sur les serpents et sur les scorpions. On ne marche pas sur quelqu'un qui est au-dessus. On ne marche pas sur quelqu'un avec qui. Non, non. Quand on dit marcher sur, ça veut dire la chose est en bas. Voici la seule position de Satan. Il est en bas. Jésus est plus haut. Satan est plus bas. Vous marcherez. Même s'ils disent, voilà, ils ont pris vos enfants, ils ont pris votre destinée. Il y a un sorcier qui combat votre vie. Il est en bas. Et pendant Moulima 30, nous allons marcher sur ça. Et puis frère, ça j'aime le dire souvent. Papa, quand Satan vient pour nous accuser auprès de Dieu, Dieu est notre Père. C'est aussi notre juge. Jésus-Christ est notre avocat auprès du Père. Le Père est le juge. L'avocat est le grand frère. Parce que Jésus est notre grand frère. L'accusateur c'est qui? Satan accuse qui? Nous. Auprès de qui? Du Père. Vous voyez que dans ce procès, le seul étranger c'est Satan. Il est qui dans notre famille? Le juge c'est papa. Le grand frère c'est notre avocat. Mais non, lui il est qui? Il n'est ni cousin. C'est comme ma famille à Batou. Or on dit les linges sales. Ça ne se lave pas au tribunal. Les linges sales. Ça se lave en famille. Donc si Satan vient vous accuser, la croix a déjà tué les faits. C'est une affaire de famille. Dieu a envoyé son fils. Il est mort pour vous. Et vous triompherez en lui. Donc il n'y a aucun espace pour le Satan, pour le diable. Il n'y a aucun espace. Vous triompherez. Parce que Satan est sous vos pieds. Écoutez-moi, frère. Ce faux évangile qui commence à élever Satan à l'église. Moi, je n'aime pas ça. Parce que ce n'est pas à force de nous présenter le diable qu'on connaîtra Dieu. La démarche de la Bible, c'est de nous donner suffisamment d'informations sur Dieu afin que nous connaissions Dieu pour arrêter le diable. Un enfant doit plus connaître son père, plus reconnaître la voix de son père pour savoir différencier la voix de son père de la voix du mercenaire. Une église qui est habituée à Satan, le jour de l'enlèvement n'écoutera pas, parce qu'au son de la trompette, à la voix d'un archange, si cette église est habituée à écouter la voix de Satan, cette église ne pourra pas écouter le Seigneur. Nous triomphons en Christ. Ça, c'est la base. Vous êtes plus que vainqueur par celui qui vous a aimé. La victoire pour les chrétiens est un cadeau que le Père nous a donné. Et vous triompherez. N'oubliez pas que Satan est une créature. Il n'est pas l'égal de Dieu. Il ne connaît pas les intentions de Dieu sur vous. Même si Satan arrive à vous compliquer, sachez que quand les objectifs de Dieu doivent s'accomplir, Dieu peut utiliser même Satan pour votre bien. Est-ce que vous comprenez? Il pense te faire du mal, mais Dieu va s'en servir pour vous propulser. Papa Eric, vous connaissez un ressort? Quand vous mettez un objet dans un ressort pour finir, vous pensez que vous lui faites du mal. Oh, vous lui donnez la possibilité. Quand vous allez enlever votre pied, vos combats, Dieu s'en sert comme des ressorts. Plus on vous enfonce, plus Dieu va vous projeter. Parce que Satan est un instrument entre les mains de Dieu. Vous savez que c'est Aman qui a fait circuler Mardoché sur l'homme. Comme je le vois, il y a quelqu'un là même où il a été rejeté, là même où il a été persécuté. J'ai dit ces mêmes personnes, Dieu va s'en servir pour votre promotion. J'aime Dieu. Il y a que Dieu qui est au ciel. Satan a été chassé. Le seul qui peut faire tout ce qu'il veut, c'est Dieu. Dieu peut décider ce soir d'agir dans votre vie. Personne ne va lui dire mais pourquoi c'est ce fait. Personne ne va contester la voix de Dieu. Personne ne va contester la volonté de Dieu. Quand la volonté de Dieu doit s'accomplir, même l'obstacle peut devenir un escalier pour vous. Est-ce que vous savez qu'on a jeté 4 Hébreux, 3 Hébreux plutôt dans le feu? Comment ils s'appellent? Shadrach, Meshach, Abednego. Ils étaient 3. On les a jetés dans la fournaise. Mais quand le roi vient, il regarde, il ne voit pas 3 personnes. Il voit 4. Il dit le 4ème à la face du Fils de Dieu. Mais j'aime ce qu'il dit. Quand on les a jetés au feu, ils étaient liés. Mais après il dit, je vois 4 hommes sans lien. Ils étaient liés, mais on le voit sans lien. C'est-à-dire que le feu, au lieu de le consumer, le feu a simplement brisé le lien. C'est ce qui va se passer dans la vie de quelqu'un. Les épreuves, le combat que tu connais, ils vont simplement jouer un rôle pour t'affermir, mais jamais pour t'arrêter. Laissez-moi finir ce soir. La deuxième force du chrétien, et ça c'est très important, c'est ce que j'appelle le témoignage. Ah oui, la force du témoignage. La force du témoignage ou la force du caractère. En tant que chrétien, vous devez savoir que notre caractère est une force. Notre position est une force. Mais notre caractère aussi est une force. Notre témoignage est une force. Dans 2 Rois chapitre 4. J'ai beaucoup aimé le témoignage qu'une femme a donné sur son mari, le prophète. Il parle à Élisée, il lui dit, ton serviteur, mon mari, est mort et cet homme craignait Dieu. Craignait Dieu. Ça, c'est peut-être le côté faible de plusieurs chrétiens. Ils sont en Christ. Mais ils n'ont pas un bon caractère. Ils sont en Christ. Mais ils n'ont pas un bon témoignage. Ils sont en Christ. Mais ils ont une mauvaise langue. Ils sont en Christ. Mais ils volent au travail. Ils sont en Christ. Mais ils trichent. La force, c'est pas seulement la position. La force, c'est aussi le caractère. Amen. Donnez-moi un amen. Frère, laissez-moi vous dire. Un mauvais caractère peut vous fermer les portes que l'onction a ouvertes. Un mauvais caractère peut fermer une porte que la grâce a ouverte. Vous ne savez pas, il y a quelqu'un quelque part qui témoigne à vous. Maman David ne savait pas. Quelqu'un dans le palais du roi parlait de lui. Frère, la réputation nous précède. Les témoignages nous précèdent. Certaines personnes ont eu de postes sans CV. Quelqu'un a parlé pour eux. Ma prière ce soir, que quelqu'un parle en bien de vous. Que votre caractère vous précède. Que votre témoignage vous précède. Un jour, j'ai eu un témoignage sur un frère, ça m'a beaucoup plu. Ce frère-là, il ne gagnait pas beaucoup. Un jour, on lui a donné beaucoup d'argent pour aller faire des achats parce qu'à l'époque, il était intendant. Je donne un exemple. Lui, il pouvait gagner dans le 500 ou 600 $. Mais les achats qu'il devait faire, c'était près de 250 000. Il est allé. Anaenda. Il s'est rendu compte que le prix avait changé dans le marché. Ce qui fait que la somme de tous les achats, au lieu que ça soit 250 000, c'était 195 000. Pose la question, si c'est toi, Osani. J'entends quelqu'un qui dit, pasteur, tout concourt au bien. Quelqu'un d'autre a dit, c'est pas moi, le prix a baissé. Mais ce frère m'a beaucoup plu. Quand il rentre, il dit à son chef, quand vous aviez donné 250 000, les prix ont changé sur le marché. Non seulement le prix a changé, j'ai aussi négocié. Et j'ai tout acheté à 170 000. La différence est là. Les gens sont tombés. D'autres lui ont dit, yo, beaucoup fort. Vous voyez? Un autre a dit, papa, si on pense à passe. Mais au moment où je vous parle, ce frère est devenu la deuxième personnalité de cette boîte. L'honnêteté paye. Oh, le caractère paye. La force, ce n'est pas seulement la prière. La force est aussi dans les témoignages. La force est aussi dans les caractères. Certaines portes s'ouvriront à cause du témoignage. Il y a des gens qui vont monter. Il y a des gens qui vont prospérer. Il y a des gens qui vont occuper de hautes fonctions. Parce que dans leur parcours, les témoignages vont les précéder. Je prie le Seigneur que tu sois comme les hommes. Le ciel a témoigné au sujet des hommes. Dieu a pris le risque de dire à Satan: as-tu remarqué mon serviteur Job? Il n'y a personne comme lui. Dieu ne dit pas: as-tu vu? Dieu dit: as-tu remarqué? Il y a une différence entre voir et remarquer. Remarquer, c'est voir minutieusement. Dieu expose Job. Dieu expose Job. Il dit: je suis sûr de lui. Regardez, il n'y a rien. Le témoignage a ouvert des portes pour Job. Je prie Dieu que le ciel s'ouvre sur une famille, que le ciel s'ouvre sur un père, que le ciel s'ouvre sur une mère, que le ciel s'ouvre sur un jeune homme qui marche dans l'intégrité, qui marche dans la crainte de Dieu, qui marche loin du vol, loin de la duplicité. Que dit la Bible? Il faut que celui qui s'approche de Dieu croit que Dieu existe et qu'il est le rémunérateur de ceux qui le cherchent. Jeune fille, attends ton mariage. Jeune homme, attends ton mariage. Attendez, Dieu paye bien. Ne soyez pas pressés. Il y a un temps pour tout. Il y a aussi un temps pour tous. Ce qui lui arrive, c'est pour lui. Personne ne va vider le stock du miracle. Je l'ai dit au début. Jésus allait pour guérir la fille de Jaïrus. Mais chemin faisant, une femme qui n'était pas dans l'itinéraire du Messie, une femme qui n'était pas prévue, a touché Jésus. Et Jésus dit: une force m'a quitté. Papa Eric, réfléchissant. Jésus allait pour guérir la fille de Jaïrus. Et puis on dit à Jésus: la fille de Jaïrus est morte. Jaïrus entend ça. Et puis pendant que Jaïrus entend que ta fille est morte, il entend aussi Jésus dire: une force m'a quitté. Mettez-vous à la place de Jairus. Moi j'ai besoin de cette force pour ma fille. Si quoi, force est comme il coule dans ta. Force est qui dans Zéla. Voici ce que j'aime avec Dieu. La force qui est restée est supérieure à celle qui a quitté. La force qui a quitté a guéri une femme qui avait un problème de perte de sang. Mais la force qui est restée a ressuscité la fille de Jaïrus. Ce qui reste en Dieu est plus grand que ce qu'Abraham a pris. Ce qui reste en Dieu est plus grand que ce que Moïse a pris. Ils n'ont pas vidé Dieu. Dieu est une source intarissable. Ceux qui ont été bénis avant toi, ils n'ont pas vidé Dieu. Ceux qui se sont mariés avant toi, ils n'ont pas vidé Dieu. Ceux qui ont commencé le ministère avant toi, ils n'ont pas terminé l'onction. À chacun son tour, à chacun sa saison. J'annonce à quelqu'un: y a-t-il Zacharie ici? Zacharie, ton tour arrive. L'ange viendra chez toi. Y a-t-il Esther ici? Esther, ton tour arrive. Je suis venu vous dire: tourne à Yopézoya. Un jour, j'ai roulé à Kinshasa. Et puis, je vois un véhicule devant moi. C'était écrit. J'aime beaucoup ce qui est écrit dans nos véhicules. Je voulais le dépasser, il ne voulait pas. Je voulais le dépasser à droite, il ne voulait pas. Et puis, à faire, c'est comme si Dieu voulait que je voie ce qu'il avait écrit derrière. Et il a écrit derrière: papa est. Est-ce que je peux dire à quelqu'un: papa est Zambazaka pona yo mogote. Mama est Zambazaka pona yo mogote. Zambazan zambe na biso nyoso. Dieu n'a qu'un seul fils unique, c'est Jésus-Christ. Nous tous, il nous aime de la même manière. Il nous aime de la même manière. S'il t'a béni hier, il peut me bénir aujourd'hui. S'il t'a visité hier, il peut me visiter aujourd'hui. S'il t'a utilisé hier, il peut t'utiliser aujourd'hui. Le Dieu de Moïse, c'est aussi le Dieu de Josué. Le Dieu d'Élie, c'est aussi le Dieu d'Élisée. Personne n'est la propriété privée de Dieu. Nous tous, nous sommes les enfants de Dieu. Dieu peut le faire pour toi. J'insiste. Caractère. Certaines personnes leur visitation, c'est seulement dans leur témoignage. C'est pourquoi ce que tu fais, fais le bien. Fais-le avec ton cœur. Tu ne le fais pas pour un homme. Tu le fais pour Dieu. On te demande de balayer. Balaye avec ton cœur. On te demande de chanter. Chante avec ton cœur. Tu ne chantes pas pour devenir une star. Tu ne chantes pas pour que les hommes te voient. Il y a un Dieu au ciel qui va te récompenser. Il y a un Dieu au ciel qui va te récompenser. Soyez béni, Cora. Tout ce que nous faisons, c'est pour la gloire de Dieu. Les hommes peuvent oublier, mais Dieu n'oublie jamais. Les hommes peuvent ignorer, mais Dieu n'ignore jamais. Nous servons un Dieu responsable. Tu es le papa le plus responsable. Shalabos. Amen. Alléluia. Amen. Come on. Amen. Oh, tu es le papa le plus responsable. Amen. Amen. Amen. Amen. Oh, alléluia. Amen. Encore. Amen. Tu es le papa le plus responsable. Amen. Alléluia. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Oh, toko kufate toko tatola. Amen. Amen. Amen. Amen. Alléluia. Yes. Biso toko kufa te toko tatola. Come on. Oh, alléluia. Amen. Amen. Yes. Amen. Responsable. Amen, amen, alléluia, amen. Tu es le papa, tu es le papa le plus responsable. Amen, amen, alléluia, amen. Amen, amen. Oh, petit maboko. Amen, amen, alléluia, amen. Qu'un seul sujet ce soir. Quiconque a besoin de triompher dans un domaine de sa vie. La santé. Afia. Oppression démoniaque. La vie de tes enfants. Tu sens un combat particulier dans un domaine de ta vie. Et ce soir, tu veux revendiquer les acquis de ta position en Christ. Ce soir, tu veux dire, pasteur, je veux prier afin de vivre l'effectivité de cette victoire. Tu peux venir. Pendant qu'on est en train de prier, je suis en train de voir comme un arbre, un arbre qui a mûri. Et je suis en train de voir le fruit qui commence à tomber. Le Seigneur me dit la particularité du culte de ce soir. Certaines personnes vont entrer dans une longue saison. Des choses pour lesquelles ils ont prié. Shalabrosita labros. Malaisie. Commence déjà à parler à Dieu. Alléluia. Y a-t-il un domaine? Est-ce que c'est la santé? Est-ce que c'est les études? Tu as besoin d'une victoire. Ce soir, nous sommes venus proclamer le triomphe. La célébration de la victoire. pas la célébration du combat. La victoire, c'est l'issue d'un combat. Mais le triomphe, c'est la célébration qui arrive après. Que le Seigneur se lève dans ta vie ce soir. Qu'il t'accorde un triomphe. Qu'il t'accorde un triomphe. Dans un domaine particulier de ta vie. Alors commence à parler. Commence à parler. J'ai la masita la blouse. Kala la zita la blouse. La gloire de Christ. Voilà, c'est ça, c'est ça. C'est ce qui se passe dans ta vie. Il t'accorde le triomphe. Il t'accorde le triomphe. Il t'accorde le triomphe. Marche sur ce serpent. Marche sur ce scorpion. Le fruit est accordé. Le fruit est accordé. La récompense est accordée. La victoire est accordée. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Reçois-la, reçois-la. Reçois-la. Reçois-la. Reçois-la. Reçois-la. Les dieux des esprits, des prophètes me touchent, j'entendrai. Je verrai comme jamais. Les dieux des esprits, des prophètes, chalabro si te lele. Si les dieux des esprits, les prophètes me touchent, j'entendrai, j'entendrai, je verrai comme jamais. Il y a le feu du Saint-Esprit. Si les dieux des esprits, les dieux des esprits, les prophètes me touchent, j'entendrai, je verrai comme jamais. Que le Dieu de la Bible t'accorde un triomphe. Que le Dieu de la Bible t'accorde ce triomphe. Que le Dieu de la Bible t'accorde la victoire. Le ciel est ouvert. Le ciel est ouvert. Le ciel est ouvert. Reçois. Reçois. Reçois cette victoire. Les prophètes me touchent. J'entendrai. Je verrai comme jamais. Les dieux des esprits, des prophètes me touchent, j'entendrai, je verrai comme jamais. Merci Jésus. C'est le droit de Dieu. Zaki ce soir. Il y a des acquis à retenir dans la vie. Tu as déjà libéré. Il nous dit ce soir, il nous fait toujours triompher. Oh, je proclame ce soir, dans la vie de quelqu'un, commence à vivre dans le triomphe, commence à vivre dans la célébration, commence à vivre dans la gloire que Dieu a accordé il y a 2000 ans. Toutes les difficultés que tu connais dans la vie ne peuvent pas empêcher de vivre le triomphe de Dieu. Je proclame pour toi ce soir. Toi qui as cru à cette parole, toi qui as cru à ce message, qu'à partir d'aujourd'hui, tu commences à vivre dans ta vie les victoires de Jésus-Christ accordées à la croix. Seigneur, merci. Tu honores la foi de tes enfants. Tu honores la foi de tes enfants. Et aujourd'hui, une nouvelle saison commence. Des choses permanentes. Pas des choses qui viennent et qui partent. Mais des choses permanentes. Ils vont vivre dans leur vie. C'est pourquoi je te bénis pour l'accomplissement de cette parole. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Est-ce qu'on peut acclamer pour le Seigneur? Alléluia. Amen. Quand on est enfant de Dieu, on écoute certains messages, il y a des choses qu'il faut changer dans la vie. Même l'attitude qu'on est dans l'église, ça doit changer. De connaître ta position par rapport au Seigneur. De connaître les choses que tu as déjà données. Quand tu connais ces choses, tu te comportes autrement. Alléluia. Amen. Est-ce qu'on peut célébrer le Seigneur? Oh, gloire au Seigneur. Nous allons donner nos offrandes. Et après, nous vous donnons le communiqué. Donnez-nous 2-3 minutes et puis on va se séparer. Que Dieu vous bénisse.